Salut Marie, pourquoi de grâce? Pour un instant de ton bonheur. Mon Dieu est-il sorti de l'espace? Il était bien contre ton cœur. Et bien plus tard, ce fut la chasse. Cette haine, cette rumeur, en voilà même un qui l'embrasse. C'est pourtant pas un grand seigneur. Entre les tours, il y avait de la place. Tout ce béton, toute cette chaleur. Tu risques bien de perdre la face. C'est pas grave, t'as un bon docteur. Ça laisse des traces. Je vais voir ailleurs, c'est peut-être meilleur. Et si c'est pareil, que le temps passe, je reviendrai, mais par l'intérieur.